le top, on fait du bruit. Dans les tribunes, c'est la folie. Avec les trompettes, des tambours, tous les joueurs et nous autour. Avec les écharpes et drapeaux, dans les gradins, on est tous beaux. Et nos couleurs de loin se voient. Pour notre équipe, c'est plus sympa. On fait des... Avec nos voix et nos clairons.